Tu appelles ceux qui te servent à garder leur pas droit, à marcher loin de l'ombre même quand personne ne les voit. Tu demandes un cœur fidèle, une vie offerte sans détour, car ceux qui s'approchent de toi portent ton nom chaque jour. Ce n'est pas une façade, ni un masque à porter, c'est un chemin dans la vérité, dans la lumière et la droiture. Apprends-nous à marcher avec intégrité, à te servir dans la vérité, à garder nos cœurs alignés, même quand le monde veut nous plier. Apprends-nous à marcher avec intégrité, à te servir dans la simplicité, car tu regardes plus loin que l'apparence. Tu sens le fond de nos consciences. Tu rappelles que l'exemple parle plus fort que mille discours, que chaque geste, chaque parole laisse une trace autour. Tu veux des vies sans double fond, des regards sans détour, des mains propres, des cœurs entiers pour te servir dans l'amour. Tu ne cherches pas la grandeur ni l'éclat des projecteurs, mais des vies offertes en silence, dans la douceur et la constance. Apprends-nous à marcher avec intégrité, à te servir dans la vérité, à garder nos cœurs alignés, même quand le monde veut nous plier. Apprends-nous à marcher avec intégrité, à te servir dans la simplicité, car tu regardes plus loin que l'apparence. Tu sondes le fond de nos consciences. Même quand le chemin est étroit, même quand le poids, mais par ton esprit en nous, que nous apprenons jour après jour à rester debout devant toi. Apprends-nous à marcher avec intégrité, à te servir dans la vérité, à garder nos cœurs alignés, même quand le monde veut nous plier. Apprends-nous pas dans ta lumière, garde nos vies dans ta paix, que chaque jour dans le secret, nous marchons selon ta vérité. Nous marchons selon ta vérité.